Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Aujourd'hui, on a distribué le coupon qui permet d'obtenir des vêtements. À l'hôtel de ville, il y a deux grandes affiches. Les Juifs ne reçoivent pas de coupons vestimentaires. Un grand J rouge doit être imprimé sur leur fiche. Il y a maintenant des mesures spéciales pour elles, avec des horaires à part pour faire les courses. Hier, j'ai été très ému en entendant Renner le dire « Mieux vaut que périssent les Juifs, qui ne sont pas nombreux, plutôt que tout le peuple allemand. » Cette semaine, les guerres européennes. On lit chaque jour dans le journal un ou deux faire-part de décès. Je n'avais pas imaginé que nous vivrions des temps si durs. J'espère que nos enfants et nos petits-enfants mesureront ce que notre glorieuse Wehrmacht et son commandement magnifique réalisent comme exploit. Catholicisme, protestantisme, nazisme. Renner le est très éprouvé par ce qui arrive à une femme réquisitionnée comme elle dans l'entreprise Siemens. Cette femme très gentille a reçu du jour au lendemain son avis de déportation pour elle et pour sa fille de 13 ans. Comme chaque juif, elle doit payer 200 marks pour son voyage de déportation. Le goût du sang. Histoire vivante, cette semaine, les guerres européennes. Aujourd'hui, entretien avec Jérôme Prieur, réalisateur de « Vivre dans l'Allemagne en guerre », le prochain documentaire à découvrir dimanche soir sur RTS2. Bonjour Jérôme Prieur, comment allez-vous ? Très bien Jean Leclerc, ça va très bien. Jérôme Prieur, vous arrivez avec un nouveau documentaire en deux volets, dont le titre est « Vivre dans l'Allemagne en guerre ». Pourriez-vous le présenter à ceux qui le découvriront de leurs yeux et de leurs oreilles dimanche soir sur RTS2 ? C'est un film documentaire en deux parties qui raconte, qui essaye d'observer, de raconter comment les Allemands ont vécu la Seconde Guerre mondiale. Et les Allemands, je veux dire par là, les Allemands qui étaient en Allemagne, c'est-à-dire les civils essentiellement. Comment les civils ont vécu cette guerre, comment ils l'ont déchiffré, comment ils l'ont analysé, comment ils l'ont supporté, comment ils l'ont toléré, comment ils ont fait corps avec cette guerre. Voilà. Et ce film part d'un livre que j'ai découvert, enfin qui a été publié en français en septembre 2017, d'un historien britannique, Nicolas Stargardt, professeur à Oxford, sous le titre « La guerre allemande » nous a fait découvrir à quel point notre regard sur cette guerre pouvait être changé dès lors qu'on gardait le point de vue de ceux qui en Allemagne ont vécu, ont subi, ont accepté les événements. Hommes et femmes se trouvent en correspondance, l'un par rapport à l'autre. Il y a également au-delà des correspondances ce que certains appellent leur carnet de bord ou disons leurs journaux intimes, et cela révèle un climat de l'époque, un climat forcément composite, un climat en mosaïque. J'imagine que vous avez fait à l'intérieur de l'ouvrage que vous avez adapté des choix. Comment avez-vous opéré la sélection de vos personnages ? Alors, ce que je dois dire, c'est que ce livre de Nicolas Stargardt, je l'ai pas adapté à proprement parler. Je m'en suis inspiré parce que c'est un gros livre qui fait 700, 800 pages et qui mêle les commentaires, les analyses de Nicolas Stargardt à des citations en général assez brèves venues d'un certain nombre de correspondances et de journaux intimes de ces Allemands de l'intérieur, de ces Allemands ordinaires. Quand je me suis penché sur ce livre, je me suis rendu compte que tel quel, à moins d'être très très long, c'était un livre inadaptable, et qu'il fallait que je m'en serve comme une sorte de carrière dans laquelle je pouvais creuser. Alors creuser, ça veut dire que il y a un nombre assez limité dans le livre de Nicolas Stargardt de personnages. Il y en a une quinzaine, mais c'était trop, quoi, pour moi. D'une part, c'était trop, et d'autre part, les citations qu'il en donnait étaient trop brèves, quoi, pour faire vivre des personnages. Et donc, j'ai isolé parmi ces personnages récurrents qui sont dans le livre de Sargard, j'en ai isolé 7 ou 8, c'est-à-dire facilement moitié moins, mais ces 7 ou 8 personnages, je suis retourné à la source. C'est-à-dire que je me suis évidemment beaucoup appuyé sur son travail, mais à partir de son travail, je suis revenu aux documents, aux lettres ou aux journaux que Nicolas Stargard a utilisés, et je les ai fait dépouiller par des lecteurs, enfin surtout par une lectrice qui travaille avec moi depuis 2, 3 ans, et je les ai fait dépouiller, et à partir de ce dépouillement, de cette analyse de chacun des manuscrits, j'ai demandé des traductions détaillées d'un certain nombre de passages. Puis à partir de ces traductions détaillées, j'ai resserré mon point de vue, j'ai demandé d'autres choses. Enfin, voilà. En gros, je suis revenu à la matière première qu'avait utilisée Nicolas Stargard, et je suis revenu à ces personnages, mais en leur donnant plus d'intensité, plus d'incarnation, même si on ne les voit pas dans mon film que dans son livre. Et en retenir 7, c'était aussi les organiser dans une forme de distribution, si j'ose le dire de manière évidemment trop simpliste. Il fallait au moins un bon, un méchant, un traître, etc. Ou bien vous avez catégorisé d'une autre façon, Jérôme Prieur? Disons que les catégorisations, c'est plutôt qu'il y a dans ces 7 ou 8 personnages, il y a 2 correspondances, il y a 2 couples qui sont en correspondance, voilà. Et dans ces 2 couples, il y a une femme qui correspond avec son fiancé ou son mari, qui est dans les 2 cas d'ailleurs, c'est un fiancé qui va devenir un mari, qui est dans un cas sous-officier dans la Wehrmacht et dans l'autre cas officier dans la Wehrmacht. 31 mai 1939. Chère Irène, nous sommes bien arrivés à la caserne avec mon régiment. Comme c'est beau de savoir que derrière les montagnes, une brave fille t'attend. Un être qui pense à toi. Irène, enfant de mon cœur, comme c'est beau d'être aimé. Je ne sais pas si tu peux comprendre. J'espère que tu vas bien chez le dentiste, que tu poursuis les soins pour que je puisse retrouver bientôt une jeune fille pleine de santé et pleine de vie. Je t'embrasse le front tendrement. Ton Ernst. Un extrait de Vivre dans l'Allemagne en guerre, le prochain documentaire d'histoire vivante à découvrir dimanche soir sur RTS2. Ce que l'on découvre dans votre documentaire, Jérôme Prieur, c'est ce qu'ont vécu à la fois le pays et puis les habitants, l'Allemagne et les Allemands à cette époque-là. Et ce qu'ils ont vécu, ce sont des choses que l'on connaît évidemment mal, puisque on s'est essentiellement intéressé, au travers, je pense, de livres comme Une ferme en Allemagne, à la toute fin de la guerre. Or, pendant la guerre, ce sont aussi les privations, les cartes d'alimentation, la maladie. Vous citez, où il est cité à un moment où il est évoqué la tuberculose. On a donc affaire à un peuple qui accepte des conditions de fait, et on le voit également dans les images. Ce qui est assez complexe à saisir, c'est que on est dans une situation où l'armée est évidemment sur tous les fronts. Il reste sans doute une police importante, ou alors c'est une autodiscipline qui fait son travail. Qu'est-ce que vous avez compris ou senti, vous, de ce peuple qui endure, accepte sa situation? Ben, c'est ça qui m'intéresse, enfin qui m'intéresse, qui me trouble, qui me préoccupe. Dans les films précédents que j'ai faits sur l'Allemagne, c'est ma vie dans l'Allemagne d'Hitler, pour lequel j'étais parti, dont nous avions parlé, hein, tout et à fait. Pour lequel j'étais parti d'une enquête de l'université de Harvard en 1939, qui interrogeait des exilés, des Allemands qui avaient fui leur pays, en leur demandant comment était leur vie avant et après l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Et là dans ce film, dans ce nouveau film, ceux qui parlent, les 7 ou 8 personnes qui parlent, n'ont pas fui l'Allemagne par définition, sont là, sont restés, n'ont pas eu l'idée de fuir. Et donc, à travers eux, ou à travers elles, je devrais dire plus justement, on voit à l'œuvre la manière dont ce régime, dont ce pays, au-delà de la violence et de la violence des premières semaines, des premiers mois, comment ce régime a été intériorisé, a été accepté, a été séduisant pour un certain nombre d'Allemands. Alors, c'est là où mon film, c'est évidemment du cinéma, c'est-à-dire que il y a une chose que disent les images et puis d'autres choses que disent les voix, enfin les voix enregistrées aujourd'hui, mais les voix de ces personnages. Ce que nous disent ces images, c'est justement ça, ce travail d'intériorisation de l'idéologie national-socialiste, enfin de l'idéologie de l'État. Voilà. J'ai voulu tout au long du film avoir un contrepoint visuel par rapport à ces images amateurs, et ce contrepoint visuel, il vient de la propagande officielle telle qu'un Allemand pouvait soit l'entendre à la radio, soit la voir au cinéma avec la force que ces images de propagande avaient dans les projections, dans les actualités. Voilà. Et donc le film, il tresse comme ça, il montre l'interaction de la vie quotidienne, la vie privée telle qu'elle transparaît dans ces films amateurs, et puis du matraquage, enfin de l'organisation de la société par la parole politique et la parole politique nazie. Et donc ça montre bien que il n'y a pas besoin d'être nazi pour vivre dans un pays nazi. Enfin, il y a des gens qui supportent tout à fait ce qui se passe sans être des excités, des fous furieux. Voilà, c'est ça qui est tout à fait intéressant. Et puis, l'autre chose qui est tout à fait intéressant, c'est de voir comment des gens qui sont plutôt à distance du régime, ceux qui écrivent leur journal intime en particulier, eh ben, peuvent être à certains moments tenter de faire corps avec leur pays, avec leur patrie, parce que c'est leur patrie qui est menacée, sans avoir le regard que nous avons aujourd'hui sur cette société qui est entachée à tout jamais de l'horreur de l'extermination des Juifs, des Juifs d'Allemagne et des Juifs d'Europe. 1er septembre 1939. Les dés sont jetés, écrit encore route. À 4h45 du matin, les troupes allemandes pénètrent en Pologne sur un large front. Septembre 1939, journal de Lisa Debord. En vertu de leur alliance avec la Pologne, l'Angleterre et la France nous déclarent la guerre. Histoire vivante, cette semaine, les guerres européennes. Suite de l'entretien avec Jérôme Prieur, réalisateur de Vivre dans l'Allemagne en guerre, le prochain documentaire à découvrir dimanche soir sur RTS2. Jérôme Prieur, nous parlons avec vous de votre nouveau documentaire à voir dimanche soir sur RTS2, Vivre dans l'Allemagne en guerre. Parmi les archives, les scènes totalement surprenantes que l'on découvrira dimanche soir, il y a cette scène quasiment comme un miroir. Imaginez une immense place bondée d'une foule présente qui observe hypnotiquement une femme dont on rase la tête parce qu'elle a couché avec. Cette scène de la femme tondue, on en avait malheureusement, si j'ose dire, pris l'habitude. Mais elle concernait bien plus tard dans la guerre, elle concernait la période de la libération, et ça se passait la plupart du temps en France, en tout cas pour les archives françaises, mais cette scène-là, elle se passe bien avant et elle se passe en Allemagne. Et cette scène-là est une scène, est une scène terrible. Parce que ce qui est évidemment notable, c'est que il y a peu de scènes de violence dans les archives, dans ces archives privées, quoi. Il y a peu de, voilà, les exactions ne sont pas filmées. La nuit de cristal que j'ai évoqué plus largement dans le film précédent, dans Ma vie dans l'Allemagne d'Hitler, n'a donné lieu qu'à quelques rares images filmées par des amateurs. Voilà. Quand j'ai découvert cette scène, évidemment, elle était importante parce qu'elle est tout à fait inquiétante. Elle est médiévale. Il y a une foule plutôt. On voit pas, on comprend pas très bien. C'est ça qui m'intéresse dans ces images amateurs, c'est que d'abord, on comprend pas très bien ce qui se passe. Enfin, il y a une grande place, il y a une foule, et on ne voit pas tout de suite le cœur de la scène. On ne voit pas tout de suite cette femme qui est juchée sur une estrade comme ça, et puis devant une foule qui est disproportionnée par rapport à elle. C'est une femme seule. Il y a personne d'autre qui est sujette au même traitement. Voilà, et tout autour, on voit toute cette foule qui vient au spectacle et qui se réjouit de ce qui lui arrive. Et donc, nous, spectateurs, aujourd'hui, ça nous met très mal à l'aise, hein, je crois. Mais cette scène en dit long sur le rapport de celui qui est pourchassé et de la foule, de la meute. Hein, j'évoquais Fritz Lang tout à l'heure, ben, là encore, quoi, bien sûr. Journal de Johann Klepper. Rennerl est très éprouvé par ce qui arrive à une femme réquisitionnée comme elle dans l'entreprise Siemens. Cette femme très gentille a reçu du jour au lendemain son avis de déportation pour elle et pour sa fille de 13 ans. Comme chaque juif, elle doit payer 200 marks pour son voyage de déportation. Rennerl l'aide à faire ses bagages. On m'a parlé récemment d'une femme qui a été mise au pilori à Heilbronn pour honte raciale, parce qu'elle a eu une relation amoureuse avec un non-arien. Un extrait de Vivre dans l'Allemagne en guerre, le prochain documentaire d'histoire vivante à découvrir dimanche soir sur RTS2. Une autre scène m'a pour la part marqué dans votre documentaire. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé à l'une ou l'un de ceux qui nous écoutent. C'est cette situation où en un dixième de seconde, pour peu que vous enfiliez un autre vêtement que le vôtre, une autre paire de chaussures que la vôtre, et c'est le sentiment de la vie qui bascule. Cette scène-là, on la trouve à un moment, des femmes qui sont en train d'aller porter leurs vêtements, qu'ils sont obligés, sans qu'il n'y ait aucune violence ni aucune contrainte physique visible, elles sont en train de se déchausser, d'abandonner leurs chaussures de civil, celles avec lesquelles elles arpentaient les rues encore il y a peu, pour enfiler ces terribles galoches en bois qui, à l'instant même où elles les mettent, vont totalement les placer en déséquilibre, vont forcément, on le devine, leur martyriser les pieds. Je trouve que cette scène a une force absolument inouïe. Ben, je suis tombé sur ce document qui est qui dure plusieurs minutes, enfin, je sais pas, une dizaine de minutes, et qui filme l'évacuation du ghetto de Dresde en novembre 1942. Et donc, il y a l'évacuation d'un immeuble dans lequel d'ailleurs se trouvait, j'ai découvert ensuite, que Victor Klemperer, qui a eu son journal, était là, hein, dans ce ghetto, les derniers juifs allemands qui se trouvent là sont forcés de partir, voilà, et ils sont amenés dans un camp non loin. Et là, on assiste tout à fait méthodiquement, comme ça, ordinairement. Oui, tranquillement, Tranquillement, à une espèce de séance d'humiliation, quoi, où on fait subir à ces êtres vivants, ces hommes, ces femmes, ces enfants, un traitement juste dégradant. Il n'y a pas de violence, hein, enfin, il n'y a pas de violence physique. C'est d'une très grande violence c'est un peu insoutenable. Moi, j'ai du mal à regarder ces images au montage. On les voit des dizaines et des dizaines de fois. J'avoue que c'est un spectacle un peu difficile, mais et dans ces images, bah voilà, on voit comment, sous prétexte d'avoir un comportement hygiénique, on humilie des êtres humains. Donc, vous avez évoqué les chaussures. Il y a une séance de visite médicale où des hommes nus doivent se faire inspecter comme s'ils étaient porteurs de maladies. Et des pieds à la tête. De la tête aux pieds. Voilà. Ouais. Comme si ça avait la moindre importance, vu ce qu'on sait, ce qui va leur, quel est leur destin. Enfin, c'est ça qui est effrayant. Et alors, ce qui est effrayant, je m'en suis rendu compte, après avoir monté le film, d'ailleurs, parce que ça me tracassait, cette scène, et je me suis rendu compte qu'elle a été filmée par un, enfin, on voit bien que le cinéaste qui capte les images le fait très consciencieusement, méthodiquement, enfin, sans distance, mais en même temps, il fait un vrai reportage, un vrai compte-rendu de cette arrivée, de cette déportation, déjà de cette première déportation de Dresde. Et je me suis rendu compte que ce cinéaste était un employé des usines, je sais plus quelle usine d'appareils photographiques, etc. Et que ce monsieur qui a filmé ça très tranquillement est devenu, après la guerre, un photographe réputé, qui est mort de sa belle mort dans les années 90, enfin, après avoir fait ce travail. Mais quand on voit les images, bon, évidemment, il n'a tué personne. Enfin, en tout cas, dans ces images, on ne voit personne subir ce traitement. Mais c'est insupportable. Enfin, on se demande comment on peut filmer de telles images sans avoir une honte de soi-même particulièrement grande. Voilà. Mais voilà, vous avez dit le mot consciencieux. C'est fait consciencieusement. C'est dur, quoi. C'est dur. Mais ce sont comme par hasard, vous prenez les deux séquences les plus effrayantes, enfin directement effrayantes du film. Dans le film, il y a d'autres images qui sont beaucoup plus sourdement effrayantes, où on voit comment des familles, des familles se rangent à l'ordre nazi de bon cœur, quoi. Voilà, c'est ça que l'on voit de diverses façons. Et donc, en contraste avec cette adhésion, cette espèce de bonne entente, comme ça, je trouvais que c'était particulièrement important de faire entendre la voix d'Allemands et d'Allemandes, hein, j'insiste là-dessus, qui gardent leur lucidité, qui voient ce qui se passe, qui nous disent ce qui se passe. Et c'est dangereux à l'époque d'écrire même son journal intime. Donc je tenais à ce qu'il y ait ce contraste, cette contradiction entre les images et ce que les voix nous donnent à comprendre, à saisir, à comprendre de cette époque. Jérôme Prieur, compte tenu de la multiplicité des origines des archives, quelle a été la difficulté d'ordre technique? Vous avez affaire à un matériel qui a déjà été numérisé auparavant, ou bien ça fait également partie du travail que vous et votre équipe apportez en plus? Oh ben, il y a les deux, mais il y a en Allemagne, je dis en Allemagne plus qu'en France, par exemple, il y a une tradition de la caméra, voilà. Ouais. Les Allemands ont une culture technique plus importante que la nôtre, et donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été filmées. Et donc il y a un certain nombre de cinémathèques privées ou de cinémathèques régionales qui ont compris depuis, je sais pas, une dizaine, une quinzaine d'années, le profit qui pouvait en être tiré. Le profit éventuellement économique, mais aussi le profit intellectuel, historique, et donc ces images, au lieu d'être perdues, ont été collationnées, indexées, numérisées, et donc on peut les consulter. Mais une fois que j'ai dit ça, l'immensité du problème s'ouvre sous nos yeux, c'est-à-dire que c'est tellement énorme et c'est tellement imprécis quelquefois qu'il faut se plonger dans ces images, de la vie quotidienne pour trouver les pépites, enfin, ce qu'on cherche sans savoir qu'on le cherche. Jérôme Prieur, une toute dernière question, parce que nous arrivons au terme de cet entretien. Comment avez-vous travaillé avec vos comédiens qui interviennent dans votre documentaire par les lectures de lettres? C'était des lectures qui étaient enregistrées avec des images devant, où ils n'avaient devant leurs yeux que les seuls textes pour l'enregistrement? Ben, il y a 7 comédiens et comédiennes, des comédiens, comédiennes qui sont plutôt des habitués de la lecture, parce que c'est des gens de théâtre. Enfin, donc, ce qui importait pour moi, surtout, c'est que ce soit pas des lectures, voilà, que ce soit des gens qui sachent lire, mais que ce soit des voix qui incarnent, qui interprètent ces rôles dont on ne voit pas la, physiquement l'image à l'écran. Donc, à travers leur voix, j'avais besoin d'attraper quelque chose de la révolte, de la juvénilité, du désarroi, de la mélancolie, de l'enthousiasme, enfin, de celui, de celle qui écrivait. Donc, ça, c'était important pour moi, et c'est important que chacun d'eux incarne un personnage qu'on ne voit pas, mais j'espère qu'à la fin du film, on a l'impression de les avoir entendus. Ils ont donc enregistré sans l'influence de l'image, c'est ça, hein? Ils ont enregistré à chacun j'ai montré le film. D'accord. À chacun je leur ai montré le film, mais ils l'ont vu de leur côté, hein, pour savoir comment leur rôle prenait place dans le concert général, voilà. Et puis la séance d'enregistrement, toujours le comédien, il a l'image témoin, mais pour certains c'est important, et pour d'autres c'est pas important. Donc je m'adaptais à la façon d'être de chacun de ces comédiens, sachant que je prévois toujours pour mes films un moment où le son peut être recalé par rapport à l'image. Je veux pas que le comédien se sente bridé, brimé par rapport à une durée précise. Je veux que de retrouver une espèce de sensation de vie, et que donc si le débit, le rythme de la parole, il est très différent du mien, puisque moi, pendant tout le montage, c'est moi qui joue tous les rôles et qui sans cesse réécrit et enregistre, je veux ne pas être les rendre prisonniers d'un carcan préétabli. Vous nous redonnez le titre de votre documentaire, s'il vous plaît. Donc c'est « Vivre dans l'Allemagne en guerre ». C'est donc signé Jérôme Prieur. Et c'est à voir dimanche soir sur RTS2 et, si toutefois, depuis le début de la semaine, sur le site des docs de la RTS. Merci à vous, Jérôme Prieur, et puis à bientôt. À bientôt. Merci à vous, Jean Leclerc. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker et Thierry Châtel. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.